Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu vent, il a connu cette innovation-là, à laquelle tu appelles, le prophète, ainsi qu'Abu Bakr, ainsi qu'Omar, ainsi qu'Othman, ainsi qu'Ali. Est-ce que ces cinq personnes, ça c'est Mohamed ibn Abdurrahman qui parle avec un innovateur, qui appelle les gens à son innovation. Il dit, est-ce que le prophète, il a connu l'innovation, il connaissait l'innovation dans laquelle, à laquelle tu appelles les gens? Ça, même, ça c'est une question que ce salaf il pose à cet homme. Est-ce que le prophète a connu cette innovation ainsi qu'Abu Bakr, ou Omar, ou Othman, ou Ali? Am lam ya'lamouha, ou bien il n'était pas au courant de cette innovation? Le Mubtadi il va répondre quoi? Qala lam ya'lamouha, lam ya'lamouha. Il répond et il dit non, ils n'étaient pas au courant, ils ne connaissaient pas cette innovation. Tamam? Qala fa shay'un lam ya'lamouhu. Donc là, tu me parles d'une chose que ni le prophète, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali, ils connaissaient. Et toi, tu es connaisseur de la chose. Vous avez vu comment il a, en quelques secondes, il a malmené dans la parole. Donc le Mubtadi, lorsqu'il a entendu ça, قال الرجل فإني أقول قد علموها. Il est revenu sur sa parole. Il dit non, ils étaient bien au courant. C'est-à-dire le prophète, sallam, il était au courant de cette innovation. Dès qu'il a vu que lorsqu'il a répondu la première fois, c'était une fadiha pour lui, c'était une défaite pour lui dans le débat, il a changé de réponse. Vous savez? Qala. Donc là, il dit, non, en fait, le prophète, sallam, Abu Bakr, Omar et Othman, ils étaient bien au courant de cette innovation. Donc le salaf, il lui répond, أَفَوَسَعَهُمْ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا بِهِ وَلَا يَدْعُوا النَّاسِ إِلَيْهِ أَمْ لَمْ يَسَعَهُمْ. Et est-ce qu'il leur a été permis? Alors qu'ils savaient cette... Donc là, tu me dis que le prophète, sallam, ainsi qu'Abu Bakr, Omar et Othman, Ali, étaient au courant de cette innovation. Est-ce qu'il leur était permis de ne pas parler, de ne pas évoquer cette innovation dans leurs paroles et de ne pas appeler les gens à cette innovation? Est-ce que ça leur était permis ça? Vous voyez? Voilà, c'est-à-dire, il répond, bal wasa'ahum. Il dit, ça leur a été permis. Regarde comment, regarde l'intelligence du salaf. Il dit oui, ça leur était permis de ne pas parler de ça et de ne pas appeler les gens à cette innovation. Donc le salaf lui répond, il lui dit قَالَ فَشَيْءٌ وَسَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَخُلَفَاءُ لَا يَسَعُكَ أَنْتَ. Il dit comment ça leur était permis à eux de se taire, hein, sur cette innovation, et toi non, ça te suffit pas de te taire. Vous avez compris le cas, là. Tout d'abord, il lui a dit, Awalan, il lui a dit, est-ce que le prophète, il était connaisseur de ton... En fait, ça, c'est un débat qu'avec n'importe quel innovateur, si tu reprends les mêmes étapes, tu le ridiculises. Awalan, est-ce que le prophète, il était connaisseur de cette innovation? Le prophète, ou Abu Bakr, ou Omar, ou Othman, ou Ali? Il va te dire non, il n'était pas connaisseur. Il dit comment alors une chose que lui il connaissait pas, toi tu la connais, que ces gens là ils connaissaient pas, toi tu la connais. Là déjà c'est une défaite pour lui. Ensuite il est revenu, il a dit non, il la connaissait. Ah, donc il connaissait cette innovation, mais pourquoi on n'a pas de hadith? Pourquoi on n'a pas de parole d'Abu Bakr, ni de Omar, ni de Othman, ni... Pourquoi ils se sont tus sur cette innovation et ils n'ont pas appelé les gens? Donc, il va lui dire, là, est-ce qu'il leur était permis de se taire? Est-ce qu'il leur aurait été, il était permis à ces gens-là, c'est-à-dire au prophète et à Abu Bakr, Omar, Othman, de se taire? Lui, le Mubtadi', il a dit, na'am, ça leur était permis. Et le salaf lui répond, il dit, comment à eux ça leur a été permis de se taire? Et toi, tu viens, tu dépasses le stade et tu parles. Alors que eux, ces gens-là, ils se sont tus. Tu vois? Et juste avec ça, il a ridiculisé cette personne-là. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. طيب. Et en fait, c'est un débat qui a eu lieu devant l'un des califes de l'époque. C'est-à-dire, le calife, là, il penchait pour la parole sur le fait que le Coran, il est créé. Il penchait pour cette parole-là, à cause d'un de ses conseillers, qui était Ibn Abi Duwat, yani un mubtadi'. Donc ils ont amené un savant, ce Mohammed ibn Abdurrahman, pour débattre avec ce mubtadi' devant le calife, devant le calife. Le calife, quand il a vu l'éloquence du débat et la force d'argumentation du salaf, directement il a suivi la vie de la vérité, la vie juste. قال وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. نعم. À la kulli hal, tout ça, c'était une introduction du mu'allif pour évoquer l'importance et la grande importance de s'accrocher à la sunna et de s'accrocher aux traces des pieux prédécesseurs, surtout dans le chapitre de la aqida. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On passe le charh de Cheikh Al-Athaymeen. On rentre directement dans le vif du sujet. طيب قال ذكر بعض آيات الصفات. Donc là, il va évoquer certains versets concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك. طيب. Donc le premier des versets qui ramène pour évoquer les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est le verset concernant quel attribut d'Allah? Al-Wajh. La face d'Allah Azza wa Jal. نعم. قال الشيخ العثيمين الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عليها حسب الترتيب المؤلف. صفة الأول أو الأولى الوجه. Donc le premier des attributs que le مؤلف va évoquer, c'est الوجه. طيب. قال الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. La face d'Allah, c'est un attribut qui est confirmé par le Coran, par la Sunna authentique et par l'unanimité des savants parmi les plus prédécesseurs. قال الله تبارك وتعالى. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, il vient avec un verset du Coran, ensuite il va ramener un hadith et il va évoquer l'ijma. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Donc il est venu avec le même verset que l'auteur a évoqué. Et certes restera la face de ton Seigneur le détenteur de la noblesse et de l'honorabilité. طيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Saad ibn Abi Waqqas, certes, tu ne donnes pas une aumône sans que tu espères la face d'Allah Azza wa Jal ou le visage d'Allah Azzawajal sans que tu ne sois récompensé. Ça va? C'est quoi ce qui nous intéresse dans le hadith, Yaria? Que le fait de donner pour Allah sera récompensé juste pour ça. Mais c'est quoi qui nous intéresse dans ce hadith? Par rapport à Misala. Yassine? Son visage. Son visage. C'est ça qui nous intéresse. Le prophète de Zahim, il dit, tu donnes une aumône. Tu n'as pour désir que le visage d'Allah. Il n'y a pas une aumône que tu donnes en ayant ce but-là sans que tu sois récompensé. Tamam? Donc ce qui nous intéresse du hadith, c'est le mot, la face ou le visage d'Allah Azzawajal. Taïb? ثم قال وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي أو حقيقي يليق بالله تعالى. Donc, et l'unanimité des salaf, ils sont de l'avis que Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien un visage sans modifier les textes et sans les réfuter, sans les comparer à quoi que ce soit. Donc c'est un visage réel, comme il convient à Allah Azza wa Jal. وَقَدْ فَسَّرَ أَهْلُ التَّعْطِيلِ بِالثَّوَابِ وَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا سَبَقَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ. طيب. Et certains Ahl al-Ta'til, les gens qui ont réfuté les attributs d'Allah Azza wa Jal, eux, ils ont dit que al-Wajh, le visage, en fait, c'est pas le visage d'Allah, c'est la récompense. C'est la récompense d'Allah Azza wa Jal. Taïd. Qui connaît la première personne qui a réfuté les noms et attributs en islam? Al-Ja'd ibn Dirham. Na'am. Fataktubun. Fa'ida. Man awwal. من هو أول من قال بالتعطيل؟ من هو أول من قال بالتعطيل؟ Quel est le premier à avoir réfuté les noms et les attributs؟ هو الجعد ابن درهم. هو الجعد. الجعد ابن درهم. هو الجعد ابن درهم. طيب وهذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أصل مقالات التعطيل في الصفات إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد ابن درهم ابن درهم. Donc Cheikh al-Islam il dit la première personne dont on a entendu qu'elle a parlé de cette parole là comme quoi il a réfuté les noms et les attributs, c'est le Ja'd ibn Dirham. Ja'd ibn Dirham. Et le Ja'd ibn Dirham, c'est le Cheikh de qui? Jahm ibn Safwan. En fait, ça, c'est des noms à retenir. Al-Ja'd ibn Dirham. Taktubun ba'd dhalik. Wa akhadha anhu Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan. Et a pris de lui, a pris de Ja'd ibn Dirham. Jahm ibn Safwan. Le fondateur de la secte qu'on appelle Al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah. Qui fait partie des pires des sectes de l'islam. طيب. وهو الذي أظهر هذه المقالة. Et c'est Jahm ibn Safwan qui a mis aux yeux du jour cette parole, c'est-à-dire le fait de réfuter les noms et les attributs. Tamam. Mais lui, il a pris cette parole, il a pris cette aqida de Al-Ja'd ibn Dirham. طيب وهناك فائدة. Ja'd ibn Dirham, il n'a pas propagé, il a juste. Il l'a enseigné à Jahm ibn Safwan. Et celui qui l'a propagé, c'est Jahm ibn Safwan. طيب وكان أخونا عصام هدانا الله إياه كان يقول الجعد هو المبتدع. نعم كان يقول الجعد هو المبتدع وجهم بن صفوان ليس كذلك. وهذا كلام يعني يندهل كل من يعلم العقيدة الصحيحة. كيف الجهم ما هو مبتدع؟ هو أصل المبتدعين. نعم دونك أخونا عصام كلا نقيد il avait dit dans une de ses paroles une parole très très grave, le fait de dire que Al-Ja'd c'est lui l'innovateur. Dans un audio il dit Al-Ja'd c'est lui l'innovateur, tandis que celui qui a appris de lui, c'est pas lui l'innovateur, parce que c'est pas lui qui a ramené l'innovation. Wada ghalat, ghalat kabir. Le Jahm ibn Safwan, c'est la tête des Jahmiyyah. Comment ça, c'est un consensus, l'unanimité des gens, des savants de la Sunna, comme quoi Hadam Mubtadi' Jahm ibn Safwan, celui qui a appris la science de Ja'd ibn Dirham. Tamam. Et en plus, il s'est basé sur le hadith Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warat. Celui qui invente dans notre religion une chose qui n'y est pas, c'est refuté. T'as-t-il? Si on avait ce hadith-là, on pourrait dire ouais, c'est vrai que le mubtadi' c'est celui qui vient avec la bid'a. Lakin t'as l'autre hadith, alladhi rawahu Muslim. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايش فهو رد. Dans l'autre hadith de la version de Muslim, le prophète Azam dit celui qui fait une action, c'est-à-dire peu importe qu'il est qui c'est lui qui l'a inventé ou pas, ou c'est lui il suit seulement, quoi qu'il arrive, cette action elle est réfutée. نعم فعلمنا او علم من ذلك ان المبتدع ليس فقط الذي أتى بالبدعة بل هو الذي يعمل بها. تمام. Donc le mubtadi' c'est pas seulement celui qui vient avec la bid'a, mais c'est celui qui œuvre avec. تمام. على كل حال الجهم جهم ابن صفوان مبتدع. جهم ابن صفوان مبتدع والجعد ابن درهم مبتدع فهما مبتدعان كبار من كبار أهل الضلال. تمام. ومن الفوائد والعجائب et parmi les autres points qu'on peut tirer aussi, قيل ان الجعد اخذ مقالته عن ابان ابن سمعان. Ça, il a été dit que الجعد il a pris sa parole de Aban ibn Sam'an. Là, c'est une scène de transmission. Le Ja'd là, il a pris sa parole de Aban ibn Sam'an. Wa akhadaha Aban an Talut. Et Aban hada, il a pris cette aqida, cette croyance d'un dénommé Talut ibn Ukht Labib. Talut, le fils de la sœur de Labib ibn Asim. Le fils de la sœur de Labib ibn Asim al-Yahoudi. Et ce Talut-là, il a pris cette science-là de Labib al-Yahoudi. Tamam. C'est qui ce Labib al-Yahoudi? Le Labib al-Yahoudi. Lahaba, Ismail. Lahaba. Labib al-Yahoudi. Labib ibn Asim al-Yahoudi. Il a vécu au temps du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc là, on a une silsila qui remonte jusqu'à une personne qui a vécu au temps du prophète, alayhi salatu wa salam. Et c'était un juif. Lakin man huwa hadha al-labib celui qui a ensorcelé. Celui qui a ensorcelé le prophète, alayhi salatu wa salam. Naam. Naam. Fanduru. يعني أصل هذه البدعة من أين أتت؟ عن اليهود. وهذا كبدعة الرفض الرافضة الشيعة أو ce qu'on appelle الرافضة. La base de leur بدعة elle vient d'où؟ اليهود. عبد الله بن سبا اليهودي. Un homme qui s'est fait, qui était juif à la base et qui s'est fait passer pour un musulman. Abdullah ibn Saba. Et il est rentré dans l'islam pour semer la zizanie et la discorde. Est-ce qu'il a réussi? Non. Qu'est-ce qu'il a pu faire de grand comme perversion dans l'islam? Par rapport à Aïcha. Oui, il y a des sectes qui sont sorties de lui, Naïm. Il y a aussi la fitna des compagnons. Fitna des compagnons, mais c'est quelle fitna? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est à cause d'un. Il fait partie de ceux qui ont endormi les gens et qui ont poussé les gens à adorer Ali. Ali ibn Abi Talib. Et avant ça, c'est lui la cause que les gens se sont rebellés contre Uthman ibn Affan. C'est-à-dire, il est parti en Égypte. Il est parti à droite, à gauche, pour remonter les gens contre Uthman ibn Affan. Regardez, il donne des postes assez proches. Fulan, c'est le gouverneur du Sham, c'est son Qalib. Fulan, c'est le gouverneur de l'Irak, c'est son proche. Okay, il a remonté les foules contre Uthman ibn Affan. Naam. Et ça, c'est la base des Rafida. Aussi, ça vient de Al-Jarb ibn Dirham, la bid'a de Khalq al-Qur'an. Khalq al-Qur'an, كذلك. C'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar. Toute innovation est un égarement, et tout égarement finira au feu. Naam. طيب هناك مسألة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله سير برسيك نورما طيب الله appartient l'Orient et l'Occident. Peu importe où vous tournez votre visage, il sera en direction Wajh Allah, du visage d'Allah. Taïb, vous êtes avec moi? Est-ce que là le mot, le visage, c'est vraiment le visage ou c'est en direction d'Allah Azzawajal? La première règle, en sens apparent. prend le sens apparent. Et celui qui prend l'autre sens, celui que qui dit ah non, ça c'est pas le visage là, c'est en direction d'un. Allah alam. Y'a un khilaf. 2000, y'a un khilaf, ça. Sahih. Y'a un khilaf. طيب فبعضهم قالوا معنى الوجه هنا بمعنى الجهة. Certains ils ont dit le وجه هنا c'est pas le visage, c'est juste la direction. Peu importe où vous vous trouvez, tournez votre visage vers la direction d'Allah. C'est pas vers le visage d'Allah, c'est vers la direction d'Allah. طيب وكما قال وهذا c'est la parole de المجاهد, de مجاهد et de l'imam الشافعي وغيرهما من العلماء. طيب لكن ابن القيم وغيره كالشيخ العثيمين يسون لافي ك ce verset fait partie des ayat sifat. تمام وهذا هو الصحيح que le but visé c'est le visage d'Allah mais en même temps la direction. Ouais, son sens d'arrêt. On prend son sens apparent. Maintenant là, on est dans un verset qui concerne la Qibla. Alors, c'est un verset qui concerne la Qibla, la direction dans la prière. Donc le sens apparent, il est valable. Pour ça comme pour ça. C'est-à-dire, tu peux, du premier sens, tu peux dire que ça c'est le visage d'Allah, le but visé par cette parole. Comme tu peux dire, c'est la direction d'Allah, puisque là, on est dans les versets sur la Qibla. C'est pourquoi là, il est permis qu'il y ait un khilaf. Là, on peut affirmer les deux, mais en fait, on dit qu'ils ne se contredisent pas. Voilà, ils ne se contredisent pas. Toi, tu regroupes les deux. Et ça, on va le voir sur le tafsir. Quand tu as deux tafsirs qui sont différents, mais tu as moyen de les regrouper. Alors là, tu le regroupes. Tamam? Taïb. Taïb, Abdel Karim, عندنا سؤال. Allah subhanahu wa ta'ala يقول كل شيء هالك إلا وجهه. Toute chose va finir à sa perte, si ce n'est le visage d'Allah. Est-ce que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu par son visage, vraiment son visage, ou lui-même, son être. Lui-même. C'est ce que c'est ma logique qui me dirait que c'est lui-même. Que c'est lui-même. C'est pas pas le visage. Avec le visage et lui-même. Ahsan. Avec le visage et lui-même. Parce que certaines personnes. Et ils sont partis à dire non, ils ont dit ça c'est pas le but visé du wajh, c'est pas la face d'Allah. Pourquoi? Ils sont partis à s'imaginer que Allah il dit toute chose va à sa perte sauf le visage d'Allah. Donc là ça veut dire que tous les autres sifats d'Allah ils vont à la perte, tu vois. Eux c'est comme ça, ils ont calculé, ils ont dit tous les attributs d'Allah, la main, le pied, tous les attributs d'Allah, ils vont à leur destruction, sauf le visage. Wa hada batil. Ça veut dire que là, même s'il y a juste le mot wajj, toi, avec le sens, tu comprends que c'est le wajj, et aussi tout son être. C'est pas que le wajj. Et tu peux pas dire que c'est que le wajj. Si tu dis que c'est que le wajj, t'es rentré dans un mahdour adhi. C'est la qaïda qui dit parler sur la sifat, c'est parler de son être. N'aim. Yani, elle parle de sifat, qu'elle parle de dhaf. N'aim. N'aim. Bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, le premier sifat qu'on a vu là, c'est sur le visage. Inch'Allah, demain, on va prendre sur les mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il a combien de mains? Inch'Allah, demain. Tu vois des sourires là? Ouais, c'est là demain, on voit ça. Demain, on est quel jour? Mercredi, ouais. C'est là demain. C'est un bon, c'est ça, là, là, on est rentré dans les plus beaux endroits du livre, quand ça parle d'Allah Azzawajal. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre dans ces attributs, dans ces choses. Des attributs que vous ne connaissiez pas, peut-être. Et autres. Vous savez.